Je pensais que la frontière servait à empêcher l'entrée de la violence, mais ici, c'est l'inverse. Les armes qui alimentent les cartels viennent du Nord. La plupart sont achetées légalement aux États-Unis, puis passent clandestinement au Mexique. Une boucle meurtrière que personne ne semble vraiment vouloir couper.